Nous sommes ensemble jusqu'à 18h sur le meilleur de la FM, Radio Boulmiche 104.5 FM. Après le tout dernier Bronski Bot, le remix de Marcel Carmon, tant attendu, il est déjà classé numéro 7 au Maxi Top et il nous arrive tout droit les bacs. Yeah! Nous avons des problèmes dans les studios, non? Et qu'est-ce que ça va? Le 93 NTM après la radio d'assaut. Le bâtard est baïonné. Alors S, envoie la purée. Ceci s'appelle une prise d'otage en live. La radio va connaître la tempête puis le naufrage. Moi qui squatte à mes côtés, Joey Star pour tout brûler qui peut m'arrêter. Personne. Alors le freestyle est lancé, détenteur de la mégaphage. J'ouvre le bal, inventeur de la sodomie verbale. J'ouvre aussi les trous de balle. Radical. Comme le souligne le professeur du freestyle vocal. Rock qui squatte attaque du style. Comme une poursuite dans un film avec un tas de flics. Je balance un freestyle sur ce putain de titre. Je prends d'assaut la FM, enchaîne pour toutes les chaînes que je ken. Et dégaine avec le type au top, cool chaîne. Suce ma bite si avec nous tu es en désaccord. Préfère tu prends des boules ou des balles dans ton corps. Même avec les flics au cul, les polices de défense de l'état ne pourront rien contre nous, ne pourront rien contre moi. La France, le pays des droits de l'homme. Laissez-moi rire, puis dans ma ligne de mire je vous dégomme. Je suis pas un joyeux zoulou à l'étiquette médiatique. Je suis le méga mac, le putain d'artiste au poids politique. Vos promesses, je n'en ai rien à foutre. Nous voulons des faits, sinon mes robots ils shoot. J'ajoute qu'à jamais je serai sur ta route. C'était l'assassin du poids cynique ou mou. Prétendant au titre d'arrogant poète, rien ne m'arrête, je peux s'y faire chacune de mes pensées. Déclarant à tout moment l'hostilité lancée. Protège ton foie si tu m'approches, car le son de mon phrasé. C'est clair, t'as le toucher ta mère. Le verbe haut, je reprends l'assaut. Instigant, créant à tout moment le style. Donc exécuteur des hautes, sauf telle une pluie. Mon style est tentaculaire, mon nom est J-O-E-Y-S-T-R-R-R. Et divin et les sorts, car de plus en plus en plus hardcore. Ni ta mère est dehors, quoi qu'il soit tes monsieur, toi car identique est notre foi. Même si la tienne est plus extrême, car cette putain d'habitude à l'attitude te dévoile mon amplitude. Toujours à l'épreuve des balles et du commercial, accédant facilement dans ce jeu du fatal. Apparemment moi je trouve ça normal. Oral, ma démonstration sera cruciale. En présent de mes mots je soutiens et maintiens que mon style est facile d'effet tranquille sur cette ligne constructive. La contre star est encore et toujours en action. Pas de protestation, simple confirmation. Introduire dans l'action sans concession ma profession. Sur le beat de détonateur et je reste dans le ton. Assisté par monsieur casque ou chaîne DJ Joey Star. Afin d'éliminer toute carnifette à notre égard. Gare au mauvais regard. De toute façon il est trop tard. Tous les bâtards cherchant la faille en auront bientôt marre. Les laissant dans l'abandon je repars avec l'obsession. D'éliminer, détruire sans sommation les confusions. Faites parfait, c'est net pour eux, le fait est la défaite. Inutile de tenir tête, je recommande la retraite. Face aux fausses craches, je réponds ma traque des classes à coups de face. Quoi qu'il fasse, nous ferons face aux menaces. Faites place, je glisse tel un patineur sur la glace. Alors, si ce n'est rien à faire, seul le monastère, seul le monastère, seul le monastère, seul le monastère où se tait. Que dans leur esprit soit gravé à jamais, nique ta mère. Bonjour, bonjour. Eh hey, bonjour, bonjour, amateurs du rocking chair. Comme vous le savez, c'est l'été. Le patron est parti en congé. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Quand le geôlier n'est pas là, les prisonniers s'évadent. Eh bien, nous prenons la parole avec mon ami, mon collègue super résistant. Comment vas-tu avant le grand rout malouin qui démarrera dans quelques jours? Eh bien, je vais très bien, mon cher Rémi. Et toi, Bacalan, tu n'as pas trop chaud? Ah si si, ça va, on a eu très chaud la semaine passée. J'ai failli rester, j'étais liquéfié sur le sol, je transpirais, mais bon, ça va, j'ai pu survivre grâce à des bains froids. Et toi, sur Paris, ça va? Oui, ça va, là il fait gris, limite il va flotter, donc voilà, ouais, normal, Paris quoi, c'est bon. Vous êtes revenu à la normale, très bien. Donc eh bien on prend la parole un petit peu pour une émission spéciale avant donc le grand rout malouin que notre cher Manu attend avec impatience, et où tu seras de la partie également. Tout à fait, voilà. Donc Saint-Malo, bah dans une semaine on y sera, là je sais plus on est quelle journée, samedi, ouais. Donc ouais. Ce sera la journée de Patti Smith de mémoire, avec Étienne Dao le voilà. Vendredi, Patti Smith le samedi. C'est mes journées maison de retraite, ou? Ouais, et. Ah non, le dimanche, il y a Phoenix. Ah, d'accord, ok, très bien. Donc, vas-y, tu vas nous expliquer un petit peu le concept de notre petite révolte. Voilà, donc avec Rémi, on a décidé de passer des trucs qu'on ne passe pas forcément habituellement, tels que j'avais en surprise des morceaux de 1 seconde ou 2 secondes, tu vois, mais bon, je les ai pas mis. Peut-être qu'à la fin, pour faire plaisir à tous les gens qui adorent Z aussi, je mettrai un morceau de 16 minutes que John Dwyer a enregistré lui-même via un caméscope VHS pendant de ses concerts, wow. Pour te donner la qualité du truc. Oh là là, ouais, mais par contre, c'est une jam session de 16 minutes à la fin d'un des concerts qu'ils ont donné en 2017, qui est absolument... Mais voilà, donc voilà, on a mis des... avec Rémi, on s'est sélectionné des morceaux qu'on aime, alors qu'ils ne sont pas forcément de 2018, qu'ils ne sont pas forcément pop solaire, qu'ils ne sont pas forcément de 3 minutes 30. Voilà. Voilà, mais histoire de faire. Voilà, de prendre le relais pendant que Manu est en vacances et de le faire râler un petit peu. Parce que voilà, il nous demande de faire des trucs, on le fait pas et on le fait quand il est pas là. Exactement. Donc du coup, le concept, c'est qu'on a chacun préparé une liste de 30 chansons. François ne connaît pas ma liste et je ne connais pas sa liste. Donc on va découvrir chacun un petit peu en live ce que l'autre va lui balancer. On va un petit peu en parler vite fait sous la forme d'un petit ping-pong. Donc on a dit que bien que j'allais démarrer, c'est ça. Ouais. Mais qu'as-tu pensé de ces histrions de NTM là? Bien, les histrions du 9-3 m'ont fait plaisir. Ça change un petit peu de la pop solaire de Clara Luciani et compagnie. Voilà. Écoute, je crois que tu les verras en plus à la fin de l'été, c'est ça? Tout à fait. Ils sont à la fête de l'UMA le samedi de mémoire. Alors, j'ai plus le week-end, c'est peut-être le week-end du 12 ou un truc dans ce genre-là. Je vais voir ça dans chaque calendrier. Est-ce que Robert Rue sera de la partie ou pas? Peut-être, pourquoi il viendrait pas, mais Je sais pas. Voilà, la fête de l'UMA, c'est 14, 15, 16 septembre, donc. Oui, d'accord, c'est très tard, je crois que c'était au moins fin août. Moi. Non, fin août, c'est Rock en Seine. C'est où il y a personne. Ça existe encore, ça? Ah oui, d'accord. Voilà, et donc ce sera a priori NTM, donc jouera dans le 93 le samedi 15. Voilà, donc ça peut donner. Ça va être le feu. Et bien, du coup, je te propose alors d'enchaîner NTM avec mon morceau numéro 17. Alors, le 17, attends, je le mets là. On va dire, c'est un enchaînement sur un petit peu le même style musical, mais un groupe que j'apprécie beaucoup davantage et qu'on a eu la chance, je crois, de voir en live tous les deux il y a quelques années. Tu vas vite reconnaître. D'accord. Eh ben, je vais lancer ça tout de suite et puis voilà. Et après, à moi de me décider pendant que le morceau de Rémi va passer, que je ne connais pas, à moi de trouver un morceau, je mettrai le mien en enchaînement direct et après on discutera chacun tous les deux du morceau qu'on a passé. Yeah, voilà, en avant. Allez, j'envoie ça. Cause nobody can do it like Mixmaster can. Come on, now. I got the D-double-O style. And here we go again because it's been a while. Do me a favor, don't touch that dial. I rock from Manhattan to the Miracle Mile. My name is Rocky and I'm a lady's choice. You wanna get next to me, my Rolls Royce. You'll get the man, I hear my golden voice. So when it's time to roar, you come know what get noise. He's cruising like a fanboy who wanna claim. He'll tweak your ass across the crossfade. So watch your back. On a naked rampage with just three MCs and one DJ, and we be getting down with no delay. So Mixmaster Mike, and what you guys can say? Sweet and sour like a tangerine, fresh like a box of the Krispy Kreme. Kenny Rogers deeper into everything. Deep with Mixmaster Mike, who's up the scratch routine? He's always up. We got to go. We're just three MCs and one DJ, and we be getting down with no delay. So Mixmaster Mike, what you got to say? Mixmaster, a cut faster. A Mixmaster, cut faster. This is so top secret and classified. I grab a hold of the mic and let the words glide. It's all hypnotic and sanctified. So I'm never from the bad day slip. Take care of you. Wait, just me and Adam in the Mario scene. See? In the studio, it's the place to be. We're all beings everywhere, be having your favorite. I'm Mixmaster Mike. History. We're just three MCs and one DJ, and we be getting down with no delay. So Mixmaster Mike, and what you got to say? We don't want it. Alors Rémi, alors beau joli Beastie Boys hein. Ah ben oui, je savais que ça te ferait plaisir. En plus ça nous voilà, comme je me suis pas trompé, on les avait bien vus ensemble il y a quelques années, c'est ça? Ouais ouais, au Zénith, je crois que tu étais au Zénith. Et ouais, ils avaient fait une double un double concert, je me rappelle, donc au Zénith, où je me souviens, donc il me semblait bien que tu étais là, ouais. Et qu'on s'était fait confisquer nos appareils photo d'ailleurs, hein. Oui oui. Et le lendemain ou deux jours après, je sais plus, c'était au Bataclan, ouais. Qui remettait le couvert pour un concert. J'étais au Bataclan aussi avec ouais. Ariane, etc. Et oui, tout à fait, exactement. Un concert un petit peu différent, mais qui moi m'avait un peu laissé sur ma faim vu que bah ils jouaient quand même pas mal de leur album de l'époque qui était un espèce de truc instrumental là. Je sais pas si tu te souviens. Ouais. Ouais. Bon voilà, on a eu droit à quelques classiques évidemment, mais voilà. Bon, je suis content de les avoir vus hein, vu que maintenant bon, bah, ça va être compliqué, vu qu'ils sont oui. Plus que deux. Exactement. Et ça fait partie des ces groupes légendaires qu'on ah c'est ça ouais, qu'on a eu la chance de voir au moment où on pouvait quoi ouais. Et donc ensuite tu nous as balancé une espèce de truc qui vient d'Amérique du Sud là. Ouais voilà, c'est un groupe, c'est Molotov, donc groupe de rock hip hop mexicain, donc originaire de Mexique, qui avait été élu en 97 un des meilleurs albums de l'année aux US hein. Avec leur premier d'accord. Album Donde Ruegan las Niñas. Ah si, también, corrida. Ouais, ouais, voilà. Et les critiques musicaux les comparaient à l'époque aux Beastie Boys, Rage Against the Machine, etc. Ah bah ouais. Voilà. Bah moi ça m'a fait penser à Cypress Hill, Body Count, machin là. Et pour faire la petite parenthèse française, moi ça m'a fait penser aux Silmarils. Je sais pas si tu te souviens à l'époque. Ah, je me souviens très bien de Silmarils. Parce que c'était un petit peu. Ah c'est vrai, ah ben pareil, ils étaient même venus dans un village, mais tout petit village des Landes à 2 km de chez moi, bah, et dans un concert dans des arènes, c'était vraiment sympa. Je vais chercher ça, mais ils sont du, ils sont genre du sud-ouest, genre, enfin je confonds un peu tous les sud-ouest, mais ah non ils sont. Bah, sud-ouest en général c'est en bas à gauche. Hein. Donc, ah, me dis pas qu'ils viennent de Bordeaux, hein, ça c'est. Non mais je crois que non, mais... ils ont des attaches dans le. Oui dans oui les ils enregistraient, dans les Landes ils enregistraient leurs albums à Souston dans les Landes avec, ouais, exactement. Ça, voilà. Mais originaire, je crois qu'ils sont plutôt de, non, de non, Paris. Hein. C'est ce que je viens de vérifier, ils sont de Paris, mais je ouais. Cherchais d'où est-ce qu'ils avaient une attache sud France. Mais bon, bah alors a priori pour l'enregistrement des albums. Ouais, ouais c'est voilà. Ça. Donc on va enchaîner ensuite, c'est toi qui reprends la main. Voilà, avec, exactement, c'est moi qui vais King. Mettre alors un truc, une nouveauté qui est sortie. Bah de, je cherche si c'est ouais, en août de mémoire, je vais regarder ça. Mais, ah, c'est tout frais alors. Voilà, exactement. Je vais regarder. Tac, tac, tac, tac. Je vais le lancer. Je vais on en parlera après. Okay. Parce que là, je vais découvrir en live. Je sais pas ce que exactement. Tu vas me balancer là. Voilà, okay, c'est pas un morceau de 2 secondes. Hein, je vais non, avoir non, le non, temps. Non, non, non, il fait 4 minutes 18. T'as le temps. Là. Non, les morceaux de 2 secondes. Voilà. Bon, allez, okay, j'en vois ben, ça. C'est parfait. Comme il dit là, 3, 2, 1, paf, pastèque, c'est ça. Allez. Stripped and burning. Eh ben bravo. Eh ben voilà, voilà qui nous a dépoussiéré les cages à miel, comme dirait notre notre geôlier, avec un petit enchaînement bien venu tout droit de notre idole à tous, hein, on l'a tous reconnu, c'était... Ty Segall, enfin, idole au moins et toi et oui. Moi, mais peut-être pas... Oui, voilà, mais bon, on parle pour tout le monde, on est des prophètes, on saurait le savoir. Voilà, voilà. Et donc le premier morceau, c'était Gogs, donc un des énièmes side projects de Ty Segall, où je crois qu'il fait la batterie sur ce groupe-là, j'ai toujours un doute. Et la batterie, je crois que c'est Michael Krolin à la guitare. Ah ouais, il est encore dans le coup aussi, le père Michael Krolin, il est toujours là. Lui. Ouais, tout à fait. Et au chant, c'est le chanteur de X-Cult. Ouais. De X-Cult que je surconseille à tout le monde d'aller voir. D'aller voir un concert tellement ça envoie sec. Moi j'avais adoré leur album qui était sorti du coup il y a un an et demi, je sais plus, un album qui doit faire 25 minutes je crois, ouais. Avec que des tueries. Alors c'est marrant parce que là du coup le morceau que t'as mis il est un peu long, c'était un truc qui s'écoutait d'une traite et une espèce de puissance incroyable. Non, je raconte des bêtises, c'est pas Michael Krolin, c'est Charlie Muhart, pardon. L'autre. D'accord, ok, l'autre, ouais. L'autre. Tout à fait. L'autre acolyte de voilà. Et voilà, mais le chanteur, enfin il a ce mec là une présence scénique, c'est un truc de fou. Enfin, il te regarde, tu peux tout lui avouer, même les trucs que t'as jamais fait de ta vie. Et qu'est-ce que tu lui as avoué alors? rien, mais il a une gueule et une quand il est en live, pas une espèce de. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que du coup, on a enchaîné avec donc un morceau de Fuzz, qui est un autre side project de Ty Segall, et avec également Charles Muthart. Donc, ouais. Tu vois, là, c'est sûr, par contre, Ty Segall est à la batterie et au chant, dans le deuxième morceau qu'on a écouté. Et voilà, alors c'est pareil, ils ont quoi, 2-3 albums excellents, c'est un peu toujours le même genre, évidemment. Faut pas écouter ça avant de s'endormir, mais moi j'avais le souvenir pareil d'un concert hein, qu'on avait fait, d'ailleurs je crois que t'étais là aussi, à Rock en Seine il y a 3 ans je crois, où il faisait genre 40 degrés, ils étaient sur la scène moyenne là, ouais. On était devant la scène et c'était une espèce de folie furieuse assez impressionnante. Ouais, moi je les avais revus à la Route du Rock aussi je crois la même année. Ah le grand Route Malouin tu veux dire. Ouais exactement, le grand Route Malouin. Et la même année d'ailleurs c'était assez rigolo parce qu'il y avait Wand qui est un des groupes que Segall produit ou manage, ouais, je sais pas, qu'on a vu au This Is Not a Love Song. Exactement. Et, ouais. Et avant, donc ils avaient joué 2 heures peut-être avant Fuzz, et j'étais, il n'y avait pas grand monde, hein, c'était en début de journée, ou en de pas connu ni rien, et j'ai fait le concert à côté de Ty Segall, et un petit pouce en l'air, et j'ai eu une réflexion de quelqu'un à qui je parle souvent de Ty Segall, qui ne l'avait jamais vu, qui me fait « Ah mais il est tout petit en fait !» Comme quoi, était déjà bébé joufflu. Je trouve qu'il s'empâte un peu, moi, le garçon. Hein. Ouais, non, pas là, un peu moins là, quand même, ouais, mais pas encore. C'est vrai qu'il prend du. Je sais pas à quoi il tourne, mais en tout cas, ça fait pas maigrir. Bah, je pense que justement, il tourne tout le temps et que les tournées, à mon avis, soit tu finis extrêmement maigre, soit tu finis extrêmement gros. À mon avis, c'est pour les tournées, à moins d'avoir un nutritionniste et un coach en bouffe. Je crois pas que ce soit trop le genre. Non, là, mais en plus. Ah, mais regarde John Dwyer, par exemple, il tourne beaucoup et il est tout maigre. Ouais. C'est vrai lui, il est bien costaud. Putain. J'aurais pas qu'il m'en colle une, hein. Tu m'étonnes. Du coup, voilà un doublé de chansons qui a dû faire plaisir à Manu, hein, forcément. Là, je l'ai entendu faire. Encore votre Ty Segall. Est-ce que tu crois qu'il a fait aller l'OM? Je crois pas. Je n'ai pas encore réussi à le convertir et je crois que j'y arriverai jamais. Mais bon. Ok. Du coup, nous allons enchaîner avec mon morceau, je t'ai dit, le numéro 20. Ok, le numéro 20 qui est prêt. Voilà, qui est assez court, donc oui. t'as à peu près 2 minutes pour arriver à trouver son copain. Hein, donc, okay. Moi, je vais essayer. Bon, allez, je vais l'envoyer. Allez, hop. Parfait. You fake it all away. Eh bien, encore un bel enchaînement bien bruyant. Ouais. Donc on était parti, enfin en tout cas pour ma part j'avais mis en morceaux d'un petit, un ancêtre, on va dire entre guillemets, de Ty Segall, ou en tout cas un Ty Segall du début des années 2000 qui était Jay Retard, je sais pas si tu t'avais connu. Oui, c'était un mec... un peu, pas à fond, pas assez à fond. Quand disons qu'il a eu une carrière un petit peu météorique, on va dire, ça est allé très vite, mais pareil à la manière de Ty Segall. Il a sorti énormément de morceaux et d'EP, etc. Et surtout beaucoup de morceaux, en tout cas. Et le mec est mort donc à 29 ans, en 2010. Il est mort et dans des conditions un petit peu... On n'a jamais trop su ce qui s'est passé. En tout cas, il a été retrouvé mort dans son lit, dans son sommeil. Alors, il était, a priori, il y avait une espèce de mélange de maladies, un mélange d'abus de drogue, de cocaïne, etc. Mais il y a quand même la police qui avait ouvert une enquête sur un possible homicide. Et depuis, on n'a pas eu trop de nouvelles, donc c'est bien dommage parce qu'il a vraiment, enfin il avait une discographie alors assez limitée mais vraiment super avec notamment un truc qui s'appelait single, compilation, je ne sais plus quoi, j'ai plus le nom en tête, mais c'est vraiment chouette, voilà, Jay Retard, si tu nous regardes. Et ensuite, petit enchaînement donc avec Bassdrum of Death, groupe qu'on avait découvert tous les deux au moment de la sortie du premier album en 2011. Rien que le nom du groupe, déjà, tu vois, t'as envie d'écouter, quoi. Exactement. Voilà. Et c'était quelqu'un sur Sov qui avait balancé ça, pareil en 2011 aussi, genre, mais écoutez ça, c'est dément. J'avais écouté, t'avais raté l'info, t'as fait, ah oui, mais c'est vrai que j'ai vu passer, mais j'avais pas écouté. Et c'est vrai que. Ouais. Enfin, les trois premiers albums, la GB City en 2011, Bassdrum of Death en 2013 et Ripsis en 2014, il nous a balancé pendant 3-4 ans des trucs. Ouais, c'est hyper efficace, c'est vraiment un duo batterie-guitare, hein, si je me rappelle bien. Bah, ils sont toujours trois normalement. Ils sont trois ? Ah, c'est pas un duo alors. Non, c'est pas un duo. c'est toi qui as dit duo. Ça s'appelle un duo plus un. Ouais, mais des fois, tu sais, t'as des duos, puis y a un mec qui vient faire le complément, tu vois. Voilà. Bon, c'est donc un trio, d'accord. Et voilà. Et donc, il y a un nouvel album qui est sorti le 27 juillet, dont le. Comme je te disais là en off, le premier titre, moi, m'avait pas du tout convaincu. Alors après, les critiques sont assez positives, visiblement. Là, je suis en train de les lire en direct, là. Donc, plus mature et tout. Après, j'ai peur quand ils touchent que du garage devient mature. Parce que c'est bizarre. Ouais. Non, ouais. Ça doit rester adolescent un petit peu. Ça doit rester un peu bébête, le garage, le punk, tout ça. Et c'est un morceau qu'on avait pu écouter dans le Rockin' Chair quand je faisais les chroniques sur les États, puisque ils sont originaires du Mississippi. Et j'avais pas trouvé énormément de groupes d'ailleurs du Mississippi qui changeaient un petit peu. Et du coup, je sais que je les avais passés et que Manu avait trouvé ça, comment dire, un petit peu brouillon, il me semble. Voilà. Pas assez mature. Pas assez mature, justement, pas assez pop ensoleillé. Voilà. Bon, alors je t'ai donné mon numéro. Yes. Voilà, donc on va pouvoir enchaîner ça, on va envoyer ça, et puis on vous retrouve dans deux morceaux. Voilà. Ciao. Allez, à tout de suite. Please. Eh ben dis donc, Super Resistant, tu nous as encore envoyé du gros pâté là, qu'est-ce que c'était que ça? C'était Uncle Acid and the Deadbeat Curse in the Trees de leur mémoire premier album de 2011, Bloodlust, que je surconseille très fort au casque. Et est-ce que t'as une appétence particulière pour les groupes au nom complètement imprononçable? Parce que j'en connais un qui aurait eu du mal à le dire, celui-là. Oui, c'est peut-être pour ça qu'il avait coupé au bout de 30 secondes en janvier quand je l'avais mis. Non, c'est la censure, tu sais bien que le Rockin' Chair est une espèce de dictature par moment. C'est une république végétatienne. Voilà. Exactement. Et ensuite, moi j'ai enchaîné donc avec un groupe belge qui devait tourner pas mal en France au début des années, entre les années 2005 et 2010, je dirais, peut-être que je me trompe, qui s'appelait les Hollywood Porn Stars. Et ouais, et ils avaient tourné donc à l'époque de leur premier album notamment, ils tournaient avec les Guinzo, je sais que j'avais eu moi l'opportunité de les voir quand j'étais encore dans le sud-ouest, donc c'était même début 2000. Je les avais vus à Garo Rock, tu sais ce festival dans le Tarn-et-Garonne ou le Lot-et-Garonne, je sais plus. Qui ont des problèmes météo cette année. Et voilà. Ouais, exactement, qui avaient dû annuler leur journée du dimanche parce qu'il y a eu des gros orages dans le coin. Et alors qu'ils avaient une belle affiche, il y avait MGMT qui passait notamment. Bon, c'est pas un groupe qui fait l'unanimité dans le Rockin' Chair, mais moi j'aime bien. On avait failli y aller, mais on a bien fait pas y aller. Et mais c'est un gros festoche dans le coin qui grossit à l'inverse de certains festivals parisiens qui ont l'air de se dégonfler un petit peu. Ouais. Et voilà, ils s'étaient passés là, j'avais eu la chance de les voir, ils jouaient juste avant Guinzo, et moi j'avais bien aimé, et toi tu avais pu les voir du coup, à l'époque? Ouais, j'ai 2-3 fois sur Paris, genre, alors, d'entre 2002 et 2004, une bêtise de genre là. D'accord. Quand j'ai rangé mes tickets de concert il y a quelques années, je me suis dit, je les ai vus autant de fois que ça, et tout. Mais bon, ah ouais, d'accord. Je pourrais te rappeler les vraies stats, mais... Mais ouais, il faudrait que je cherche. Peut-être. Et oui, parce que le Rockin' Chair est très à cheval sur les statistiques. Ah oui, j'aime beaucoup les tableurs, j'aime beaucoup les stats. Ah, moi, les graphiques, les camemberts, tout ça, c'est un peu mon métier, hein, j'avoue. Comme sur les pronostics de la Coupe du Monde. Exactement, mais bon, nous allons pas dériver sur ce sujet hautement polémique. Et donc, écoute, on va enchaîner. C'est moi qui vais enchaîner avec un petit morceau de qui est assez court, je crois, d'un groupe qui nous avait bien fait kiffer dans la fin des années 90. Voilà, donc c'est le numéro 19. Okay, tu peux balancer la patate. D'accord, et je vais balancer la patate d'ici quelques secondes. La purée secondes. Plutôt. La purée, patate, ouais. Ça ne te balance pas. Allez, 1, 2, 3, j'envoie. «

Alors, qu'en dis-tu, mon cher Rémi? Ah bah dis donc, là, pour moi, on était à Nashville avec le père Jack White. Ça ressemblait beaucoup. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a fait beaucoup penser aux White Stripes. Ouais, c'est Ron Gallo, un Américain aussi, qui sera au festival First Club Fest qui a lieu en même temps que Rock en Seine. Mais ah ben voilà, c'est à cause d'eux, je pense, que Rock en Seine n'a pas pu avoir tous les groupes, c'est ça? Exactement, ouais. Ah, voilà. Et voilà, bravo. First Club qui est un label londonien et qui fait son premier festival donc aux Pays-Bas, deux jours, le vendredi samedi, avec des choses comme les Black Angels, donc Ron Gallo, Dead Vibrations, Liminianas, etc. Donc, Liminianas, bien ouais. Ça. Ouais, plein de bonnes choses, c'est dans un bâtiment, et c'est à deux salles, et un peu comme la Roue du Rock, tu peux tout voir. Sauf qu'il y a quand même un petit chevauchement de 10 minutes sur chaque concert, donc tu peux pas tout voir en entier, mais bon, voilà, ça a l'air tout petit, et voilà. J'irai et du coup, tu vas y aller, donc pour alors, le Rocking Chair, bien sûr. Ouais, j'y vais, ouais. Alors, mon gros problème étant que les concerts se terminent à 2h du matin, ou 3h du matin aux Pays-Bas, et je travaille à 8h à Versailles le dimanche. Mais sinon, il y a des RTT. Non, peut-être. Pas. Non, étant donné que non, on sort. Ah là là là, bon bah écoute, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. Ah oui, on sort, eh oui, exactement, oui, l'actualité vidéoludique te rattrape. Et moi, exactement. Avant, donc, Ron Gallo, j'avais mis, donc, je t'avais dit, on allait retomber dans les années 90, ouais. C'était le Blue Dawn Gang. J'avoue que pour préparer cette émission, je suis un peu tombé sur leur disque par hasard en regardant un petit peu ce que j'avais pas écouté depuis 12 000 ans à peu près, et ouais, voilà, ça m'étonne. Me fait plaisir de le passer. J'aurais eu du mal à le mettre au Rocking Chair, je pense, donc voilà. C'est cool. J'ai jamais eu la chance de les voir par contre. Hein, que t'as moi, pu, toi. Je les ai vus il y a 2006, 2007 à peu près. Bah, toujours avec Ariane, etc. On s'était bien marré, Ariane Moreno. Est-ce que ça vaut quelque chose, ça valait le coup? C'était juste n'importe pour la quoi blague. Avec, ouais, il y a vraiment de la blague entre du faux pipi et du faux vomi sur scène, etc. Autant aller voir les Black Lips, au moins c'est du vrai pipi et du vrai vomi. Hein, franchement. Ouais, alors là, la première partie, ils étaient bien. C'était des asiatiques, japonais, etc. Je sais pas. Et en fait, ils étaient arrivés, revenus en slip ou nus, avec des casques, avec des morceaux de batterie sur les casques, et ils s'étaient mis donc sur scène allongés, et Blue Dawn Gang, donc le batteur, jouait de la batterie sur cette batterie humaine composée de 3 ou 4 personnes, voilà, en petite tenue. Et alors attends, je dois faire un petit aparté parce que j'ai un voyant qui clignote sur mon ordinateur parce qu'on vient de recevoir beaucoup de messages qui me disent que je me suis trompé de département au sujet de Marmande qui ne serait pas dans le Tarn-et-Garonne mais dans le Lot-et-Garonne. Honte à moi, en plus c'est juste à côté, je n'ai aucune excuse et voilà donc c'était pour éviter qu'on reçoive encore 2512 courriers comme après d'autres erreurs qu'on a fait dans le passé. Fait, voilà. Mais bon, ce sera bien noté cette. Ouf, ça va. Voilà. Encore, excusez-moi les gens du Tarn-et-Garonne, je sais bien que voilà, il n'y a pas de festival là-bas, il n'y a rien du tout. Donc ensuite, on va pouvoir enchaîner. Je pense que c'est encore de chez toi que va nous sortir la prochaine note. Fait. Je t'ai donné le petit numéro là, donc qui était le numéro 14 dans mes morceaux. Voilà, donc je te laisse gérer ça et puis. Et voilà. Ça marche. Eh ben, allez, 1, 2, 3, paf, pastèque. Ok, voilà, on lance. We'll be right back. je sèche totalement sur ce que tu m'as envoyé là. Et oui, alors, un petit secret de fabrication de cette émission. En fait, pendant que les morceaux passent, eh bien, on est en train d'essayer de faire deviner à l'autre quel est le groupe qui est en train de jouer. Alors, moi, je sèche dans 80% des chansons de Super Résistant. Et là, je suis bien content de l'avoir piégé, entre guillemets. C'était les Porno for Pyrrhose. Oh oui, ok, d'accord. Ouais. Avec Perry Farrell au chant. Et je décide de le faire deviner avec une photo de Perry Mason, qui était une vieille série avec un avocat barbu qui n'était pas finalement barbu. Tu m'as parlé de l'homme de fer et de Raymond Dacier, donc Perry Mason avec l'homme de fer, c'était pas trop ça, quoi. Ouais, mais bon, on était quand même... bref... On avait gros avocats, en effet, oui. On était dans un gros avocat. Bonjour à Maître Vergès, s'il nous regarde de là-haut. Enfin, je sais pas s'il est mort. Enfin, bref. Si, il est mort. Donc Porno for Pyrrhose, moi c'est un groupe que j'aime beaucoup parce que j'étais fan, enfin je le suis toujours, de Jane's Addiction, qui était un groupe que j'avais pu passer je crois au Rockin' Chair et qui était un petit peu on va dire affilié ou en tout cas assez proche des Red Hot à l'époque, qui était un autre groupe que j'aime beaucoup. Ils avaient un petit peu changé les musiciens de temps en temps, vu que Flea avait joué dans les Jane's Addiction et que Dave Navarro a joué dans les Red Hot, et donc Perry Farrell qui est dans Jane's Addiction a aussi monté son groupe Porno for Pyrrhose, qui a quelques excellents albums dont celui-ci Good God Urge. Voilà, donc je suis bien content d'avoir pu en passer. Ouais. Tu connaissais toi un petit peu les pornos? Ouais, un peu comme ça, j'avais dû écouter, c'était pas été ma cam, mais j'avais dû laisser tomber parce qu'il y a trop de trucs à écouter. Après, même là, c'était sympa, ça passe bien. Après, je sais pas si j'écouterai un album complet ou si j'irai payer une place pour les voir en concert. Après, en festoche, ça peut être pas mal. Je trouve ça bien, toi. Ça peut être, c'est pas désagréable, on va dire. Et du coup, j'avais essayé de te faire deviner avec Lollapalooza, car Perry Farrell est aussi, si je ne me trompe pas, l'homme qui a lancé le premier Lollapalooza. Voilà, tout simplement. D'accord. Festival. Oui. Donc, je vais faire des vérifications avant d'avoir du courrier des lecteurs. Et donc, tu nous avais mis avant... Justement, les Liminianas dont je parlais en faisant toujours tout à l'heure avant le morceau, la pub pour le First Club Fest. Voilà, donc les Liminianas avec Shadow People. Donc là aussi, encore un duo, comme le morceau qu'on passe régulièrement dans le Rockin' Chair avec Bertrand Belin. Et là, super morceau, entre guillemets. C'est le seul que je connais d'eux et que j'aime beaucoup. Ah, mais tu peux aller, vraiment, le dernier album, tu peux y aller les yeux fermés. Hein. Les oreilles fermées, comme dirait... les oreilles fermées, voilà. Bon, y a des duos avec Anton Newcombe, etc. Et puis l'album, il est d'une très très bonne. Ils ont fait un peu l'unanimité dans la presse parce que je les ai vus en couverture des Enrock, je les ai vus en couverture de je ne sais plus quel autre magazine, vraiment bonne presse. Et un petit peu partout dans les festivals cet été, je crois, dont celui où tu vas. Là, ils font la roue du rock aussi. Ils font la roue du rock aussi, donc tu vas te les taper la double dose. La semaine prochaine, ils sont le vendredi, qui est pour moi la meilleure journée, j'ai envie de voir tous les groupes. Et ils jouent de 19h30 à 20h30, je crois, de mémoire. Et Anton Newcombe avec les Brian Johnston passe plus tard dans la soirée, donc peut-être que quelqu'un montera sur scène avec l'autre. Il y a des chances. Ce serait bien, j'aime toujours qu'il y ait des petites surprises comme ça. Bah, c'est bien. Ça, les festivals, des fois, ça nous donne des petits moments bien sympathiques. Et autre moment hautement sympathique qui va être mon prochain morceau, qui est un morceau qui n'aurait jamais pu passer au Rockin' Chair. Je ne dis rien pour le moment. Oulala. Je peux pas en dire davantage. Je pense que je vais te laisser appuyer sur le petit bouton. D'accord. Donc je vais appuyer le bouton d'ici quelques secondes. Allez. 1, 2, 1, devinez qui revient. Oh, oh. 1, 2, 1, devinez qui revient. Faites place, j'arrive avec classe, fournisseur de classe. Je te vous buzz, c'est la pire menace. Je mets le bordel mortel, exceptionnel. L'instru fait bouger les boules et toutes les belles mamelles. Je suis en PIMP, sort du carré, VIP. Je suis dans la fosse, faut que je défleure le dance floor. Paranoïaque comme Tony, qui peut tester sans cesser. Trop d'excès, trop de succès, tu sais, trop de je me trouvais dans le club, je suis remarquable. Si tu ne sais pas où je suis, regarde les yeux des femmes. Dans le club. vodka pomme, on se tue. Bon débarque, on boit ton club. On tue une remarque, on rit en cœur. Des nanas montent sur les barbets, on y va. Des murs transpirent, la barmaid veut du plaisir, père liquide. Le Didier déchire, Didier Doberman, Didier le Pim. Dans son cadavre sur des hits, on drague, on chante sur le pitch, on trinque, on danse. Six femmes, six belles, sexy. Les bimbos se collent, les sirènes sensibles. Oh le matin, tout excité. Faut que ça berne. Bébé, faut que tu bouges, joue pas les farouches, lève-toi et remue ton boule. Besoin d'ambiance, prends une vodka boule. Demain c'est dimanche, peu importe que tu sois saoul. Stay strong pour tes TC, laisse-toi faire. Dans le club, je veux voir tous les fers en l'air. On a le son pour les fesses que tu sers. Tes TC que tout le monde se fout en l'air. Dans le club. Should how? Oh, la cloche de l'école vient de sonner. Les petits enfants ont bien travaillé. Et avant de rentrer chez eux, s'ils ont un petit creux, ils pourront faire un tour dans un endroit très merveilleux. Boulangerie, pâtisserie, des petits gâteaux à tout moment du temps. C'était le moment chanson française. Ah bah oui, là dis donc, ça m'a donné envie de croquer dans une chocolatine. Non, pas au chocolat. Boulangerie, pâtisserie, eh ben écoute, qu'est-ce que c'était que ça? J'avoue, c'est... moi je connaissais pas. C'était Ultra Vomi. Ah oui, Ultra Vomi. Un groupe de... Alors, enfin, le terme va être très péjoratif parce qu'ils sont... je les aime beaucoup, etc. Mais un peu du guignol rock, c'est-à-dire ils sont... très bon musicien, technicien et chanteur. Après, les paroles sont un peu dans la déconnade. Un petit peu comme les musclés, en fait. Oui, ou comme les inconnus, les choses comme ça. Genre la Negra Bouche Beat. La Negra Bouche Beat, exactement. Ouais. Ah là là. Et donc, juste avant, alors là, je pense que ça a dû faire hérisser les poils sur les bras de pas mal de gens. C'était donc un remix de la chanson Dans le club de TTC par, attention, par donc des membres de TTC, donc Tequila Tex, Cuisinier, mais avec Tommy Bugsy. Donc voilà, je m'étais dit petit hommage au hip-hop français des années 90. Voilà, Dans le club, magnifique. Magnifique chanson, magnifique titre, magnifique moment de pop française. Ça sentait un petit peu le soleil. Ouais. Par contre, faut qu'on fasse un petit rattrapage parce que on n'a pas cité forcément les titres et les auteurs de toutes les chansons. Donc, depuis le début, on a eu NTM avec le morceau Freestyle de leur premier album. Là, récemment, il y avait Ron Gallo avec You and Lady, You're Scaring Me. Uncle Acid and the Deadbeats avec Curse in the Trees. Liminianas avec Shadow People et Ultra Vomi avec Boulangerie Pâtisserie de mon côté. Boulangerie Pâtisserie, excellent titre. Ouais, de mon côté, alors je vais peut-être pas les faire dans l'ordre parce que je moi ne sais plus l'ordre dans lequel on les a passés. Mais il y avait les Beastie Boys avec 3 MCs and 1 DJ, ça c'était mon premier titre. Ensuite, il y a eu un petit Fuzz avec Rat Race. Ah, ensuite, bah, il y a eu Dance Rocket. J'ai aussi passé Gogs avec Pre-Strike. Ah oui, Gogs, voilà. Super titre de 4 minutes, excellent d'ailleurs. Voilà. Vivement l'album. Ensuite, Dance Rocket des Hollywood Porn Star, donc Dans le club par Cuisinier et ses copains. Bloodhound Gang qui nous a chanté The Ballad of Chessie Lane. Et ensuite, on a eu les Porno for Pyros qui nous ont chanté Tahitian Moon. Oui, et j'oubliais aussi que j'avais passé Black Don't Glow de Bathroom of Death. Exactement, Bathroom of Death. Voilà. Excellent groupe. Hein. Donc là, je t'avais dit le morceau 19, 4 minutes 10. Eh oui, oui, près, j'ai hâte, j'ai hâte. Voilà, donc, oui. Comme je te disais, c'est une petite dédicace à... Voilà, là, tu verras justement, et par rapport à ce dont on parlait off, tu vas voir, tu peux peut-être te rappeler de cette petite, voilà, cette petite blagounette. Bon, allez, je vais le lancer, allez. Un... Pastèque. said don't look back, don't believe them. Go for that crazy sounding restaurant, cause they're gonna try and get behind you. Don't you let them do it. You know what I'm talking about? You hear me talking? You hear me talking? It's pretty scary, baby. It's so revolting. It's pretty scary, baby. It's so revolting. It's pretty scary, tell me. It's so revolting. It's pretty scary, tell me. It's so revolting. Et voilà, oh yeah. Est-ce que tu as reconnu cette petite chansonnette? Non, je n'avais pas reconnu sans qu'avant que tu me le souffles discrètement dans l'oreille. Et bien donc on a fait un petit intermède reprise puisque pour ma part donc, je viens de passer une reprise par Nirvana de la chanson Turn Around. C'était une reprise du groupe Devo, cette espèce de groupe de farfelu avec un chapeau là qu'on avait pu voir au festival de Benicassim en 2007. 2007 exactement, ouais. Donc un morceau issu de l'excellent album de Phase B de reprise Incesticide de Nirvana, un peu trop méconnu, trop, voilà, que les gens n'écoutent pas assez, parce qu'il y a vraiment, c'est vraiment un recueil de pépites vraiment incroyable de la part de ce groupe qui de toute façon pour moi est au sommet depuis toujours. Voilà, chacun ses goûts, hein, comme on dit. Hein. Oui, tout à fait, les goûts et les couleurs, exactement. Hein, voilà. Et pour ma part, c'était une reprise des Doors, donc Roadhouse Blues par le groupe Vietnam. Et par les Kings of Leon bourrés, non enfin, oui, ça m'a fait penser un petit peu à ça, la voix du chanteur. C'est un peu ça, voilà. Le groupe Vietnam, j'ai trouvé ça sur un psy tribute to the Doors, qui était sorti chez Cleopatra Records, genre il y a 3 ans, 4 ans, qui était un très, très bon disque, il y a des reprises des Doors, donc si on aime les Doors, si on aime les reprises psyché, ça peut faire plaisir. Voilà. Bah écoute, c'était encore dans la thématique de ton festival. Ouais, psyché, bah alors par contre, Hollandais, je les verrai pas Vietnam là-bas. Je les verrai pas. Non, mais ça allait bien en tout cas avec ouais. tes trois morceaux précédents. Bon, à part les Ultra Vomit qui étaient un petit peu. Voilà. Exactement, ouais. Et bien du coup, je pense qu'on en arrive au bout. Donc on va se quitter avec un dernier morceau. Je pense que tu peux dire ce que c'est, hein, vu qu'on pourra pas prendre la main après. Donc avec quoi tu vas nous lâcher? Il était où? Oui, donc après c'est un morceau d'un monsieur qui s'appelle Labi Siffre. Donc L-A-B-I plus loin S-I-2-F R-E pardon oui. Qui s'appelle I Got The. Donc alors le monsieur est je pense pas qu'il ait eu du succès de son vivant ou alors un succès d'estime. Voilà, il a dû mourir je pense modestement, et quand vous allez reconnaître le morceau qui a été samplé dans un morceau de hip-hop extrêmement connu, etc., vous direz que s'il avait eu ça de son vivant, et il aurait pu être sans doute millionnaire. Mais voilà. Écoute, c'est le destin des musiciens, parfois. Avant ça, je vais me permettre une petite micro-incartade qui va être très courte. Hein. J'avais parlé aux gens au début de l'émission de morceaux de 1 ou 2 secondes, et je vais me permettre de les glisser discrètement là tout de suite. Je passe le premier, et donc vous êtes prêts? 1, 2. Voilà, c'est fini. Ah ouais, pas mal. Franchement, j'ai bien aimé. Le deuxième. La montée là sur le troisième dixième de seconde est incroyable. Et le deuxième, attention. Et voilà, c'était fini. Ah ouais, on c'était... est sur une autre. D'accord, voilà. Tout à fait, une autre donc, période. C'était les Descendants, groupe de punk de New York. Voilà, donc c'était histoire de. Et leurs albums, ils durent 3 minutes en fait. Ou c'est quoi le truc? Non, alors ils ont. Tiens, très bonne question. Tiens, je vais regarder ça rapidement. Mais. Alors, je fais un instant Wikipédia, hein, pardon les gens. Descendants. Alors en plus, en général, les groupes de punk jouent encore plus vite en live. Je me demande ce que ça doit donner en concert. Ça doit être un truc assez fulgurant. Non, bah alors, l'album d'où ces morceaux sont tirés, qui s'appelle Hall, comme le premier morceau qui faisait une seconde, fait 30 minutes. D'accord, un énorme album de punk, donc 30 minutes, il y a au moins 23 morceaux. Quoi. Alors, ouais, leur plus connu fait 28 minutes 53. Mais. Il fait combien ? 30 minutes, ouais, c'est une petite demi-heure en moyenne. Voilà. Donc, c'est très bien. Voilà. Donc alors, je vais vous mettre donc le dernier morceau dont on avait parlé pour terminer. Voilà, je le prépare. Et voilà. Donc voilà, pour Rémi, si tu veux l'écouter, c'était mon morceau numéro 15. Si tu veux te faire une oreille. Voilà. Ça marche. Voilà, donc je ça le lance. Ça marchera. Écoutez, on se quitte. Et donc c'était... on se quitte là-dessus. Ouais, et sans doute avec jamais... cette émission pirate. Oui, sans et doute à jamais, car on va se faire virer par la commission. Voilà, exactement. Donc c'est nos adieux. On quitte le navire, on s'aborde un petit peu la barque, on déchire la voile et puis en avant. On fait un peu comme Aznavour, on fait une tournée d'adieu, mais on reviendra quand même peut-être l'année prochaine. Voilà, mais faut pas le dire, les contrats sont pas encore signés, donc on verra ce que le patron pense de tout ça. Ouais, de toute façon, il va bien mettre du poison dans mes crêpes à Saint-Malo, donc on verra bien. Voilà. Allez, j'envoie le morceau numéro 15. Hop. Allez, ciao. Alors attends, faut que je le mette du coup. Down, but not all the way. When I'm feeling low, you do your thing just so.